dit que vos rêves sont importants. Non pas comme vous le compreniez avant, mais quand vous aurez suffisamment réalisé que dans votre rêve, quand vous rêvez, à part des niaiseries qui sont purement astrales, là, mais qu'il y a des dimensions, qu'il y a des expériences dans vos rêves qui viennent, qui sont le produit de l'activité de votre esprit sur le plan mental en relation avec votre planète d'origine. Quand vous serez suffisamment déastralisé, désymbolisé, bien, vous rapporterez cette information-là dans l'éveil, puis un jour, bien, vous aurez quelque chose avec quoi parler, avec quoi dire. Vous aurez quelque chose à dire qui n'a jamais été dit. En attendant, répétez ce qui a été dit. Je vous dis. L'homme n'aime pas se faire démolir les forts. Pourquoi? Parce que. Parce que ça le sécurise, mais pourquoi? Parce qu'il est trop près de son âme. Chris est tout partout, cette affaire-là. Et tout partout. Va dire à un petit enfant qui n'a pas de mémoire qu'une planète invisible, c'est ton ajusteur de pensée. Va dire correct. Va dire ça à un gars de 40 ans. C'est plus correct. C'est pareil, là. Cet enfant, il n'y a pas de mémoire. C'est pour ça que les enfants sont précieux. Mais on ne sait pas comment les éduquer. Avant que l'homme réalise qu'est-ce que c'est ce qu'il appelle de la connaissance, avant que l'homme réalise qu'est-ce que c'est de la connaissance, il va être obligé de mourir à ce qu'il appelle de la connaissance. Si l'homme n'est pas capable de détruire la connaissance qui existe sur la Terre, il ne peut pas être en filiale avec la planète d'origine. Impossible. J'en suis un exemple vivant. C'est tellement fort, ça, que plus j'avance dans mon expérience matérielle, et plus j'avance dans mon expérience mentale, et plus je fais la connexion entre les deux, plus je suis bien dans mon expérience matérielle. Pourquoi? Parce que plus je m'éloigne de la mémoire des mots. Tellement qu'aujourd'hui, les mots, pour moi, n'ont plus aucune valeur. Aucune! Il n'y a pas un mot dans le dictionnaire Larousse qui, pour moi, n'a de valeur sur le plan philosophique, sur le plan métaphysique. Plus un. Puis je suis content! Sais-tu pourquoi je suis content? Parce que je suis libre. Sais-tu pourquoi je suis libre? Parce que je suis content. De savoir que la seule relation entre l'homme et la réalité, c'est la relation entre son esprit et sa planète d'origine. Il n'y en a pas là! Il n'y a pas d'autre relation! Il n'y a pas d'autre relation! Ça, je vous dis des mots qu'un jour, vous comprendrez. Il n'y a pas d'autre relation dans toute la réalité de l'homme qui est en deçà de sa relation entre son esprit et la planète d'origine. Autrement dit, si quelqu'un me demandait qu'est-ce que c'est le plus important pour toi, Bernard Montréal, je dirais c'est ma relation entre moi et ma planète d'origine. C'est tout le reste, c'est astral. Tout le reste, c'est astral, ça sert. Puis un jour, l'homme comprendra que la relation entre son esprit et la planète d'origine, c'est le phénomène de ce qu'on appelle la vie sur la Terre. Puis quand l'esprit retourne trop proche, ou est absorbé dans sa planète d'origine, l'homme n'est plus sur la Terre. Autrement dit, la vie, qu'est-ce que c'est la vie? Le phénomène de la vie que tout le monde parle, là, depuis des siècles, la vie. La sainte vie, petite vie. La vie, biologique, n'importe quoi, toi, c'est la relation entre l'énergie télépathique de l'esprit et de la planète d'origine. C'est ça, la vie. Fait que si vous demandez qu'est-ce que c'est ça la vie, qu'est-ce que c'est la vie, c'est ça. C'est votre relation en tant qu'esprit avec votre planète d'origine. Puis quand cette relation-là est diminuée parce que vous retournez à la planète d'origine, vous mourrez, c'est tout. Mais un jour, l'homme ne doit pas mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, l'homme aura ce qu'on appelle un corps de lumière. C'est-à-dire que son double sera habité par son esprit au lieu que ce soit son corps. Et comme le double est fait de la matière de l'esprit, il peut rester où il veut, quand il veut, en dehors de la matière, sans être obligé de mourir. C'est pour ça que c'est si important la destruction de l'astral chez l'homme. Parce que quand l'esprit de l'homme transmute le mental, l'émotionnel et le vital, et qu'il crée un double, il crée une enveloppe, une demeure pour lui-même. Et la demeure pour lui-même, elle est dans son équivalence totale, parfaitement harmonisée matériellement. Donc, l'esprit, même s'il sort du corps physique, il peut rester dans cette enveloppe-là, puis tourner autour de la Terre, ou aller sur une autre planète, sans être obligé de retourner à la planète d'origine. C'est pour ça que c'est si important la transmutation de l'âme, puis le changement vibratoire du corps astral, à travers le mécanisme des soupirs qui deviennent la mesure de son bonheur ou de son malheur. Autrement dit, qui devient la mesure du rapprochement entre son esprit et son ego. Autrement dit, qui devient la mesure du pouvoir de son esprit de transmuter le mental, l'émotionnel et le vital pour la construction de commun. Je check tout ma fière quand je me lève, des fois je l'oublie. Pas de problème de chance, demain. Il n'y a personne qui me le dirait, tu comprends? On s'en va souper. Pour l'homme, c'est très important de dépersonnaliser la connaissance parce que tant que la connaissance est personnalisée ou tant que la connaissance semble faire son affaire. La connaissance personnalisée, c'est de la connaissance qui fait notre affaire. La connaissance personnalisée, c'est de la connaissance qui nous flatte, qui nous fait plaisir. Autrement dit, c'est de la connaissance qui réfléchit la nature de notre ego. Pour qu'une connaissance soit communicante à l'homme, pour que de la connaissance soit communicable à l'homme, il faut qu'elle soit dépersonnalisée. Il ne faut pas que l'homme sente de réflexion d'ego dedans. Si l'homme sent de la réflexion d'ego dans de la connaissance, ça va l'intéresser plus ou moins. Ça va lui laisser un espace personnel pour la prendre ou la mettre de côté. Si elle est dépersonnalisée, la connaissance, il n'y a plus d'espace personnel pour la prendre ou la mettre de côté. Il est obligé d'apprendre. Éventuellement, il est obligé d'apprendre. S'il n'apprend pas tout de suite, éventuellement, il va être obligé d'apprendre parce qu'éventuellement, il y aura moins de réflexion en lui. Et quand il y aura moins de réflexion en lui, ce sera plus facile pour lui de l'apprendre. Fait qu'éventuellement, il apprendra tout. Quand l'homme commence à prendre toute la connaissance, c'est-à-dire que quand l'homme commence à prendre contact avec de la connaissance qui est le produit de la communication entre l'esprit et la planète d'origine. À ce moment-là, l'homme qui est en contact avec une telle connaissance est amené lui-même à prendre contact avec sa planète d'origine. Alors, selon le perfectionnement de cette connaissance-là, selon la perfection de la relation entre un esprit et la planète d'origine, la connaissance permettra à une autre personne de prendre contact entre son esprit et sa planète d'origine, proportionnellement à l'épuration dans la connaissance qui est dite de toute qualité personnelle. La plus grave erreur des hommes dans tous les domaines de l'expérience humaine où la connaissance est mise à la disposition de l'homme, c'est qu'elle est toujours personnalisée. Autrement dit, elle appartient un peu à l'ego qui la parle. Elle appartient un peu à l'ego qui la parle en fonction de l'émotion qu'il attache à elle, en fonction de la personnalité qu'il a, en fonction de la nature de son tempérament vis-à-vis la connaissance qu'il a. Autrement dit, en fonction de la personnalité qu'il donne à sa connaissance. Et c'est ça que les hommes n'aiment pas, de la connaissance qui vient des autres hommes. Souvent, les hommes vont prendre de la connaissance qui vient de l'homme parce que c'est de la connaissance qu'ils ne connaissent pas, ou c'est de la connaissance qui est connue, mais qu'ils n'ont jamais entendu parler. Alors, pour eux autres, ça devient de la curiosité. C'est la base, en général, dont se servent les hommes pour aller vers des individus dans le monde qui ont ce qu'on appelle de la connaissance. Mais lorsque l'homme est conscientisé ou qu'il se conscientise, il devient très il devient très subtil dans sa perception de la connaissance. C'est comme si la connaissance qu'il perçoit ou qu'il entend, il la comprend déjà. Et si elle est mal canalisée, ça créera une tension. Donc, il n'en bénéficiera pas. Il n'y aura pas de connexion entre son esprit et l'autre esprit, où il y aura de la réflexion, où il y aura de la mésentente, où il y aura un manque d'harmonie entre celui qui parle et celui qui entend, celui qui écoute. Et pour tuer ça, pour éliminer cette friction-là entre les personnalités ou entre les hommes qui se parlent, celui qui parle doit comprendre que dans la communication télépathique entre son esprit et la planète d'origine, il y a un autre facteur qui entre en jeu. C'est que celui qui parle doit prendre conscience de ce qu'il dit quand il le dit. Autrement dit, celui qui parle, ce n'est pas celui qui sait. Celui qui sait est dans l'invisible. Celui qui parle est le canal. Donc, celui qui parle ou la personnalité doit prendre conscience de ce qui est dit autant que celui qui l'entend. Et quand les hommes réaliseront ça, quand les hommes seront capables de prendre conscience de ce qu'ils disent autant que celui qui l'entend en prend conscience, à ce moment-là, il n'y aura plus de friction entre celui qui parle et celui qui écoute. Ce qui crée la friction, c'est que celui qui parle, au lieu de prendre conscience de ce qu'il dit, il réfléchit un peu sur ce qu'il dit. Et en réfléchissant sur ce qu'il dit, il donne à ce qu'il dit de la couleur. Et automatiquement, celui qui l'entend perçoit la couleur. Donc, il y a une diminution dans la vibration. Et automatiquement, il y a une descente d'énergie, une diminution de l'énergie qui va vers de celui qui parle à celui qui dit. Et donc, celui qui reçoit, n'est pas capable de le recevoir parfaitement. C'est comme s'il va l'écouter du moment que ça fait son affaire. Il ne va pas l'écouter parce que c'est réel. Il va l'écouter parce que ça fait son affaire, ou ça peut être intéressant, ou ça peut être neuf, ou ça peut être quelque chose qu'il n'avait pas pensé. Il ne va pas l'écouter pour se nourrir. Il va l'écouter parce que ça fait partie de sa conversation. Et il ne faut pas que la connaissance fasse partie de la conversation. De la connaissance dans le sens de l'échange ou du transport de l'énergie entre la planète invisible et l'esprit doit être communiqué à l'homme qui l'écoute, comme elle doit être communiquée à l'homme qui la parle. Les deux individus sont récipients de cette énergie-là. Un possédant un esprit qui a le pouvoir de la faire venir, et l'autre possédant un esprit qui a le pouvoir de l'entendre de plus en plus parfaitement, mais toujours proportionnel à celui qui la parle. Quand les hommes vont être capables de transposer l'énergie qui vient de la planète d'origine à travers leur esprit et à travers leurs égaux, sans que cette énergie-là soit astralisée, à ce moment-là, les hommes vont sentir le poids de la connaissance. Autrement dit, dans la connaissance, il n'y a jamais de plaisir astral. Il n'y a jamais rien dans la connaissance qui flatte l'ego. S'il y a quelque chose dans la connaissance qui flatte de l'ego, ce n'est pas de la connaissance réelle, c'est de la connaissance astralisée. Ce n'est pas l'échange d'énergie pure entre la planète d'origine et l'esprit. Parfaitement. Elle est contaminée, cette énergie-là, au départ. L'homme qui canalise de l'énergie qui vient de par son esprit de la planète d'origine doit violer constamment tout ce qui est astral dans la forme. C'est ça être créateur. Être créateur, c'est violer l'astral. Créer une pensée neuve, c'est violer l'astral, c'est-à-dire détruire les anciennes. Mais pour détruire les anciennes, il ne faut pas avoir d'astralité. Sans ça, on est automatiquement attaché à l'ancienne. Ou on l'amplifie, l'ancienne, et on ne peut plus sortir d'elle ou de son pouvoir sur notre ego. La pensée a un pouvoir sur l'ego. La pensée subjective, la pensée astralisée a un pouvoir sur l'ego. L'énergie qui vient de la planète d'origine vers l'esprit à travers l'ego n'a pas de pouvoir sur l'ego. Elle a un pouvoir sur l'énergie de l'esprit de l'homme. Autrement dit, elle se sert de l'esprit de l'homme. Elle n'a pas de pouvoir sur l'ego. Parce que l'ego, il n'est plus. C'est parce qu'elle n'a plus de pouvoir sur l'ego que tout est transféré sur ou en fonction de l'esprit et que tout sort d'une façon très claire, sans que rien ne soit coloré. Mais aussitôt que la pensée a un pouvoir sur l'ego, est astral. Alors, si vous tournez ça de bord, aussitôt que l'ego s'intéresse astralement ou émotivement au niveau du plaisir subjectif personnel, la flatterie, n'importe quoi, la petite vanité, l'enthousiasme, à ce moment-là, cette énergie-là n'est pas pure et elle ne peut pas construire. Elle peut amplifier la relation entre les hommes, elle peut créer de la connaissance philosophique, de la connaissance métaphysique, mais elle ne peut pas créer, elle n'est pas créative. Pour que la pensée soit créative, il faut que le transport de la planète à l'esprit ne soit pas interféré par l'ego, par la qualité astrale des émotions de l'homme. À ce moment-là, l'homme devient créatif et à ce moment-là, l'homme tombe dans son mandat de vie. L'homme découvre un mandat de vie quelconque. Le mandat de vie peut l'amener vers être conférencier ou le mandat de vie peut l'amener vers la science. Le mandat de vie va l'amener quelque part. Mais le mandat de vie de cet homme-là, ce que j'appelle l'intérêt vital, l'énergie va l'amener quelque part. L'énergie va forcer, va se servir de l'ego pour être canalisée. Mais l'information ou la créativité ne sera plus sujette à l'emprise de l'astral sur ce qu'on appelle de la connaissance. Je vous donne un exemple. Il y a une personne que je connais qui est en train de faire un scénario pour un film. Intéressant. Mais dernièrement, j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, le scénario du film que tu fais, il ne faut pas qu'il soit lié à ta mémoire. À aucun niveau à ta mémoire. Autrement dit, tu peux rien prendre dans le monde là, qui existe au niveau parapsychologique ou paranormal ou quoi que ce soit, ou ésotérique, et l'amplifier ça. Il faut que le matériel vienne totalement de la relation entre ton esprit et la planète d'origine. Sans ça, il n'y a pas de pouvoir. Et s'il n'y a pas de pouvoir, il ne pourra pas se diffuser dans le monde. Pour qu'une chose se diffuse dans le monde et demeure, on va prendre par exemple les enseignements du Nazaréen, les grands initiés du passé. Ce que ces gens-là ont amené à l'homme était tellement déastralisé que la vibration, la résonance, elle a demeuré pendant des siècles. Parce que l'ego astralement n'est pas capable de nuire à la valeur vibratoire du mot. L'ego peut interpréter la forme du mot, mais il ne peut pas éliminer la valeur vibratoire du mot, parce que ça fait partie du domaine de l'esprit. Ah, même si le Nazaréen dit, par exemple, « Aimez-vous les uns les autres », L'ego, lui, il veut dire, ben, dans le cul comme dans le cul et peinture, hein. Si tu me casses ta gueule, ben, t'as cassé ma gueule. On a-tu veut dire? Mais l'ego, l'homme, dans son esprit, sait que cette information-là, elle est véritable. Il la comprend pas. Donc, il ne peut pas l'exécuter, mais elle est véritable. Et à travers les siècles et les millénaires, elle demeure, cette formule-là. Aimez-vous les uns les autres. C'est seulement quand l'homme est dans son intelligence qu'il peut comprendre les nuances de ça. Mais le rendement venant de la planète d'origine vers l'esprit à travers l'ego étant pur, les paroles demeurent éternellement vraies. Et c'est la même chose au niveau de l'homme de la sixième race, au niveau des connaissances qui viennent vers l'humanité aujourd'hui, dans les siècles qui viennent. C'est que ce que l'homme recevra des planètes vierges sera du matériel qui devra demeurer en résonance pendant des siècles, parce que ça sera la base de la nouvelle civilisation, la nouvelle connaissance. Et ça se rapportera, puis ça sera reparlé, réécrit, si vous voulez, au cours des siècles. Mais la vibration demeurera. Mais pour que ça se fasse, et pour que l'homme puisse lui-même vivre totalement en dehors de la forme, il faut qu'il puisse ne pas être attaché émotivement d'aucune façon, ou astralement d'aucune façon, à ce qu'il dit quand il parle. Puis moi, j'écoute souvent les gens parler, là, les gens parlent, puis on sent la vibration. On sent la vibration astrale dans des paroles qui viennent de la liaison entre l'esprit de la planète vierge. Aussitôt que ça passe par l'astral, c'est coloré. Et il y a une façon De réduire cette situation-là, c'est de ne jamais se prendre au sérieux quand on parle. Que vous parliez de n'importe quoi, vous ne pouvez jamais vous prendre au sérieux, parce que si vous prenez au sérieux, vous allez faire vibrer l'autre. Et automatiquement, ce que vous dites n'aura pas la portée de ce que ça pourrait avoir si vous preniez moins au sérieux. Et plus les hommes vont se conscientiser, plus les hommes vont être sensibles à l'énergie pure, c'est-à-dire à l'énergie qui est transportée de la planète d'origine à l'esprit. Parce que plus les hommes rentrent dans leur intelligence, donc plus les hommes vont être capables de mesurer vibratoirement le comportement entre un esprit et l'énergie qui vient de sa planète d'origine. Donc les hommes seront capables de parler sur ce que vous dites. Et ils parleront bien sur ce que vous dites, si ce que vous dites est bien dit. Si ce que vous dites est bien dit, ils pourront bien l'expliquer. Mais si ce que vous dites n'est pas bien dit, ils ne pourront pas bien l'expliquer. Autrement dit, pour que la connaissance vienne dans le monde, il faut que les gens qui l'expliquent puissent la recevoir de gens qui la disent bien. Et ça, quand ça sera établi sur la planète, quand ça sera établi au cours des siècles, des générations d'hommes, la connaissance, elle se diffusera par elle-même dans le monde. Sans qu'on s'en aperçoive. Parce que la résonance sera totalement respectée. Mais pour que des hommes puissent bien expliquer ce qui est dit, il faut que ce qui est dit soit bien dit. Et pour que ce qui est dit soit bien dit, il ne faut pas qu'il y ait de réflexion ou d'astralité dans l'homme. Alors, à la base de ça, c'est qu'il ne faut pas que l'homme se prenne au sérieux. Merci. Je vous ai parlé du soupir ce soir. Vous reconnaîtrez dans les années à venir, quand vous entrerez dans la vibration de ce rapport entre l'esprit et la planète vierge, qu'on appelle de la connaissance réelle, autrement dit, de la connaissance réelle, vous reconnaîtrez qu'il y a toujours un soupir, lié à ce que vous dites. Tout respect. C'est seulement quand vous serez arrivé à un grand état de fusion ou à un état suffisamment avancé de fusion que vous pourrez parler sans qu'il y ait de soupir après avoir dit quelque chose. Ça se comprend-tu, ça, ce que je dis, ça? Hein? Tu dis quelque chose, là, tu sens qu'il y a comme une vibration, tu sais, il y a comme une tension. Puis, il n'est pas supposé d'avoir de tension quand vous parlez. Pas souvent. Hein? Il ne souhaite rien. C'est supposé être mort. Quand tu dis quelque chose, là, c'est supposé être mort après. C'est d'aplomb. Ça, c'est la mesure de la relation entre votre esprit et la planète vierge. quand vous allez, quand vous serez amené dans le sommeil à reconnaître cette planète d'origine-là, selon le mode de perception que vous aurez, vous reviendrez dans l'éveil avec une énergie nouvelle et automatiquement vous aurez aussi, non pas de la connaissance nouvelle, mais vous aurez accès à une énergie qui vous permettra de créer de la connaissance nouvelle. Et si vous n'êtes pas suffisamment neutre, si vous n'êtes pas suffisamment détaché de ce que vous avez reçu, vous ne serez pas détaché de ce que vous dites et automatiquement vous colorerez ce que vous avez reçu. Donc, vous diminuerez la diffusion de cette connaissance-là dans le monde. Et vous-même, vous en bénéficierez moins parce que vous souffrirez dans le fait que vous avez un soupir après l'avoir dit ou après avoir réalisé. Le phénomène du soupir chez l'homme, c'est un peu comme le phénomène du flux et de reflux de la mer. Et la mer ne doit pas avoir de vagues qui s'écrasent sur le rivage quand elle est cosmique. La mer doit être un océan très plat, infini et qui ne bouge pas. Alors, au niveau de l'expérience humaine, l'esprit représente cette océanie-là, et l'esprit doit être totalement calme. S'il n'est pas calme, c'est parce qu'il y a de l'émotion qui l'affecte. Il y a de la mémoire qui l'affecte. Et c'est votre mémoire qui diminuera votre intelligence. Parce que même si vous ne vous en apercevez pas, votre intelligence, elle est diminuée et elle est à la mesure de votre mémoire. Plus vous avez de mémoire, moins vous avez d'intelligence. Moins vous avez de mémoire, plus vous avez d'intelligence. Autrement dit, moins vous avez de mémoire, plus vous avez accès à de l'énergie qui est transportée entre l'esprit, qui est diffusée entre la planète origine et l'esprit. C'est pour ça que dans le phénomène de la mémoire, vous verrez au cours des années que vous en viendrez un jour, vous n'aurez plus de mémoire, pantoute, et elle sera remplacée, cette mémoire, par une capacité créative de votre esprit de canaliser dans l'ego cette énergie-là qui vient de la planète d'origine. Et moins vous aurez de mémoire, moins vous aurez de soupirs. Parce que la mémoire crée le soupir, parce que la mémoire amène un reflet d'émotion ou de pensée vers l'âme, et le soupir est le produit de ceci. C'est pour ça que les gens souvent qui se plaignent du fait que dans la méditation, on passe une période très pénible où la vie est plate, tout semble nous être enlevé. Tout nous sera enlevé. Tout nous sera enlevé. Tout nous sera enlevé dans la méditation. Et tout sera remplacé par d'autres choses. Alors, ceux qui vivront ça comprendront que c'est le même. Tout doit être enlevé. Ça ne sera pas peut-être l'an prochain, mais éventuellement, tout vous sera enlevé et tout vous sera redonné, mais à une autre échelle. Enlevé à la mesure de ce que vous possédez tout le temps. L'évolution de l'humanité, l'évolution de la nouvelle race humaine, c'est très, très important pour la Terre. C'est très important pour l'homme. C'est très vaste de conséquences. Et autant c'est difficile à l'homme de le saisir ou de le réaliser, autant c'est réel. D'ailleurs, les choses qui sont de l'invisible sont toujours difficiles à réaliser pour l'homme qui est dans la matière. Si c'était facile à l'homme de réaliser les choses de l'invisible dans la matière, l'homme se conscientisera très vite. Mais les choses sont très difficiles à réaliser. Et c'est justement pourquoi l'homme doit apprendre à vivre sa vie selon les lois de son esprit et non selon les lois de son ego. Selon les lois de l'intelligence réelle et non selon les lois de son intellect. Ça, c'est pas facile pour nous autres. Il n'y a aucun remède à ça. Il n'y a aucun remède à ça. Il n'y en a pas de remède à ça. Rien. Il n'y a rien qui peut remédier à une réorganisation vibratoire de l'être humain quand il est en mutation. Absolument rien. Le seul support qu'on a aujourd'hui à la fin du cycle, c'est de savoir qu'on a accès à de l'information infiniment précise concernant notre évolution personnelle et concernant l'évolution de l'humanité. Mais l'évolution de l'humanité, c'est pas important pour nous autres. Ce qui est important, c'est notre évolution personnelle qui devient éventuellement effectif ou affectif sur l'évolution de l'humanité. Mais c'est dans notre tête et c'est dans notre propre esprit qu'on prend conscience de l'importance mondiale, mais personnelle, de la transmutation. Et les hommes qui vont vers la transmutation au cours des 20 prochaines années constateront la réalité de toutes mes paroles et verront que le sujet ou les sujets qui ont été exploités pendant un certain nombre d'années sont l'explication précise de ce que tous les hommes doivent un jour reconnaître, c'est-à-dire la liaison entre leur esprit et la planète d'origine. Ce qui rend notre tâche difficile dans la mutation, c'est que on n'est pas, d'abord parce qu'on ne peut pas le vivre, donc on n'est pas donné de vivre certaines expériences, parce que nos corps ne sont pas ajustés. Donc, on est obligé d'avancer vers des domaines de vie et d'expérience qu'on ne peut pas saisir. On les saisit simplement avec le temps. On ne peut pas les saisir essentiellement. Et la seule façon pour nous de les saisir, c'est dans cette relation étroite entre notre esprit et la planète d'origine. Il viendra un temps dans les années 80, au bout des années 80, 87 dans le coin, où l'homme ou les jeunes dans le monde seront excités vibratoirement. Ils seront excités afin de pouvoir percevoir des aspects de l'instruction mondiale pour leur faciliter le passage très pénible que l'homme devra connaître dans les années 90. L'homme sera toujours aidé à la mesure de ce qu'il aura besoin des années à venir. Mais ceci n'empêchera pas les individus d'être obligés de reconnaître dans le temps que la condition de leur esprit devient la condition de leur vie et que la condition psychologique de leur pensée n'a plus rien à faire avec l'importance de leur carrière sur le plan matériel ou sur le globe planétaire. De sorte qu'éventuellement, il se fait une sorte de scission entre l'homme que nous avons été et l'homme que nous devenons, et cette scission devient permanente, et elle se raffine, et elle se raffine, et éventuellement, l'homme ne peut plus vivre selon les lois de la pensée subjective de l'humanité, selon les lois de la mémoire. Il est obligé de vivre selon le rapport vibratoire entre son esprit et sa planète d'origine, et c'est rendu à ce point-là que vous vivrez des vies au niveau de votre expérience humaine qui seront totalement solitaires. Même si vous êtes à deux, vous vivrez des vies totalement solitaires. Parce que c'est la connexion entre l'esprit de l'homme et la planète d'origine, c'est un phénomène extraordinaire dans l'évolution, qu'on ne peut pas mesurer qu'après un certain temps. Et il est toujours mesuré à la lueur de notre esprit, il n'est pas mesuré à la lueur des pensées philosophiques qui peuvent nous être données dans les grandes cosmovenies du monde ou dans les écoles ésotériques, parce que c'est totalement interne. C'est totalement individuel. Comme là, on parle de la relation entre l'esprit de l'homme et les planètes d'origine, les planètes vierges, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et comme on ne sait pas ce que ça veut dire, on n'a pas dans notre esprit humain ou humanisé, autrement dit, dans le mécanisme de réception de l'esprit qui est l'ego, le mental, on n'a pas la dimensionnalité de ce qu'est la réalité de l'esprit qui parle en fonction d'une énergie qu'elle reçoit d'une planète. Donc, on n'a pas d'idée de ce que veut dire la réalité. Donc, on n'a pas d'idée où on se situe en tant qu'esprit dans le cosmos. On a une idée où on se situe en tant qu'être humain vis-à-vis de la planète Terre. On n'a pas d'idée où se situe l'homme en tant qu'esprit dans le cosmos. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable d'avoir d'idée de ce que ça veut dire l'évolution. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir d'idée de ce que ça veut dire la vie. C'est pour ça qu'on n'a pas d'idée de qu'est-ce que c'est la vie. C'est pour ça qu'on n'a pas d'idée de qu'est-ce que ça engendre la vie. Quelles sont les conséquences de la vie? Quelles sont les conséquences de vie réelle affectant la vie matérielle de l'homme? On n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée. On n'a pas de mesure. Pas de mesure. Moi, j'emploie des mots pour essayer de vous faire saisir. Quand je vous dis, par exemple, comprenez que votre vie, c'est pas de vos affaires, je veux dire cinq choses. Je veux dire que viendra le jour où vous réaliserez que votre vie humaine est en fonction de votre esprit, de ses agissements à travers l'ego. Que vous réaliserez qu'un jour, même votre esprit est assujetti à un courant d'énergie cosmique qui vient de la planète d'origine. Que vous réaliserez qu'un jour, votre esprit, s'il est trop alimenté par ce courant d'énergie-là, sera obligé de sortir de votre corps. Donc, ce qui forcera automatiquement vos personnes humaines, éventuellement, à subir le choc de votre esprit sur votre ego. Donc, ce qui amènera éventuellement dans vos personnalités une transmutation complète de votre mental, de votre émotion et de votre vitalité. Et c'est ça la mutation, c'est ça le processus de fusion chez l'homme. Et ça, c'est simplement un aspect de ça, parce que viendra le moment à la fin du cycle où l'homme, à cause des événements historiques de la Terre, et à cause aussi de la condition psychique d'un certain nombre d'individus sur la Terre, où l'homme pourra comprendre les mystères de ce que nous avons appelé dans le passé les êtres de lumière. Quand l'homme comprendra les mystères des êtres de lumière, la vie sur la Terre ne sera plus la même pour l'individu. Elle ne sera plus la même pour la planète, mais là, je parle pour l'individu. Et n'étant plus la même pour l'individu, la vie n'aura plus le sens qu'elle a aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez habitué petit à petit au cours des années qui viennent à perdre le sens de la vie que vous connaissez pour apprendre à connaître et à reconnaître et à pouvoir vivre à l'intérieur du nouveau sens de la vie qui devient une pesée sur l'ego parce que le pouvoir de l'esprit grandit chez l'homme. Donc, la canalisation entre la planète d'origine et l'esprit devient de plus en plus grande. Alors, c'est très important pour l'homme, petit à petit, de s'habituer à la désintoxication, à la déastralisation de sa vie telle qu'il la vit, telle qu'il l'a vécue, pour s'habituer petit à petit à la vivre d'une façon qui ne convient pas à sa conscience astrale et qui ne convient qu'à son esprit, se servant de sa conscience astrale ou de son corps astral, que pour les menus besoins de la vie biologique. Bien. C'est inutile pour nous autres de lire tous les livres du monde si on ne peut pas comprendre la vibration de notre esprit qui est le résultat du courant entre la planète d'origine et lui. Parce que tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Non. C'est pas un monde en soi, c'est la vie en soi. C'est la vie en soi. Regarde, c'est subtil ce que tu viens de dire. Quand tu dis c'est un monde en soi, tu te sers de tes sens pour comprendre ce qu'est la vie. C'est impossible. Fait que tu emploies le mot le monde en soi. Et c'est comme ça que, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas comprendre la dimension ou les dimensions de l'esprit, autrement dit, les dimensions de la vie en soi. Parce que on les interprète mal, parce qu'on pense avec des formes qui ne peuvent pas explorer la vie en soi. Moi, la seule raison que je connais la vie en soi, c'est parce que je la vis vibratoirement. C'est pas parce que je la parle. C'est pas parce que je parle de la vie en soi ou des mondes invisibles que je comprends les mondes invisibles. Voilà, tu veux dire? C'est parce que je comprends les mondes invisibles que je peux les expliquer avec des mots. Mais c'est pas à travers des mots que je comprends les mondes invisibles. Alors, vous autres, vous êtes dans la même relation. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous parle, occupez-vous pas de ce que je dis. C'est pas les mots en soi qui comptent, c'est la vibration. Moi, je me sers des mots en soi pour créer la vibration dans votre mental, pour que vous autres, vous en arriviez à avoir la capacité de réaliser la vie en soi, qui, après, vous permettra de vous servir des mots en soi pour communiquer au monde comme moi, je communique au monde. Voilà, vous voyez? Mais, tu dis, c'est-tu un monde en soi? C'est seulement vibratoirement que tu peux savoir que c'est pas ça. C'est seulement par vibration que tu peux savoir que c'est pas un monde en soi. Psychologiquement, tu peux pas. Parce que psychologiquement, tu es dominé par la forme. Mais vibratoirement, t'es jamais dominé par la force. Mais c'est quand t'es suffisamment vibratoire dans ton intelligence que tu peux te servir de la force parfaitement. Et à ce moment-là, tu pourras pas dire « C'est-tu un monde en soi, Bernard? » Tu seras obligé de dire « C'est-tu la vie en soi, Bernard? » Là, je dirai oui. Tu comprends, vous? Mais pour que vous en arriviez à... On va employer la phrase de Ménard. Pour que vous en arriviez à décoder les mots, il faut que vous en arriviez à percevoir la vibration. Puis la vibration, bien, vous la percevez au fur et à mesure que vous perdez la notion de toute signification dans les mots. Ça, c'est bien dur pour nous autres. C'est dur pour nous autres de parler. C'est dur pour nous autres, comme moi, j'essaie d'observer ce que je fais. Là, je vous parle, puis je ne sais pas ce que je vous dis quand je vous parle. Moi. Vous autres, vous pensez que je sais ce que je dis, mais moi, je ne sais pas ce que je dis quand je vous parle. Je crée des mots. Qu'on attend, c'est peut-être différent. J'ai pas besoin de savoir ce que je dis quand je parle. Si je savais ce que je dis quand je parle, à ce moment-là, j'emploierais des formes qui conviennent à mon ego. Fait qu'automatiquement, je vous donnerais de la connaissance. Mais je sais pas ce que je dis quand je parle. Parce que je mets pas de signification dans les mots. Tout ce que je sais, c'est que je crée des formes, des mots, avec mon esprit qui... Et la mesure des formes créées, c'est mon esprit qui dicte à mon intellect ou à mon mental ce qui doit passer. C'est pas mon mental. Fait que comme je suis totalement détaché de ce que je dis, je regarde ce que je dis, mais aujourd'hui, je suis tellement habitué que j'ai plus besoin de m'inquiéter ou de surveiller ce que je dis. Alors ça me permet un petit grand débit, si tu veux. Parce que quand tu es obligé de surveiller ce que tu dis, ça ralentit ce que tu as dit. Ça te permet de faire des erreurs. Mais quand tu n'as plus besoin de t'inquiéter de ce que tu dis, puis quand tu n'es pas attaché à ce que tu dis, puis quand tu ne sais même pas ce que tu vas dire, là, tu parles bien. Mais si tu sais ce que tu vas dire un petit peu trop parce qu'il y a de la réflexion dans ton ego, tu vas parler mal.